Só na hora da rua ruim se saca. Por algum tempo, né? Tem que se saca com compreensão. Rassemblez, couplez, mais en un morceau. Essaye de deviner l'outro. J'en ai rien à foutre, j'avais pas plus dépressif que des fuites de que j'exorcise. Je vais balancer ce qui m'empêche d'apprendre. C'est pas sans couplez que je peux oublier. Ça n'a rien à voir, oui c'est ça tu. Écarte la mèche, écarte la vie. Ça n'a rien à voir, oui c'est ça tu. T'as vu un retour vers l'humanité. Ça dépasse les couplez, ça n'a rien à voir, oui c'est ça tu. Ça n'a rien à voir, c'est ça, tu pars comme si tu ne me voulais pas. Je suis la femme de mon fortune vient de se brasser. Moi, ça peut être grâce à des parties comme la Côte de Rhin. Chère magie, c'est bon, la langue française, c'est le pire de toutes ces choses, c'est ça. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai trop pas les yeux. Elle est cette cause, ça fait vite. Comment les punch d'ailleurs, c'est qui? Et même si tu fais dans la vie, c'est qu'il va trop pas. Et au final, tu vas céder tes oreilles. Un morceau pour s'amuser, c'est un plaisir. Je vais confiner le soir, je pose à gloire, car ce venu frappe comme la courte rate. J'ai un magicien, je m'habite de la langue française. Le pire de tout, c'est que je sers à l'aise. Me teste pas, je suis de tout trouve à l'aise. Va bien regarder, t'as le commerce à l'aise. Comment les potes là, ils vont se réveiller. Même si ça fait comme une petite tête, on paraît. Au final, tu vas saigner les oreilles. Juste un morceau pour s'amuser, se faire plaisir et tout travail. Thank you. 19h-5. Donc, on se fait 1000 euros une dernière fois. On part sur un truc propre. Ouais. Allez, c'est parti alors. 1000 euros. 3.